ou bien tu vas m'acheter de la bière ou bien tu vas m'acheter du vin. Je ne dois jamais l'aider, je ne dois jamais lui obéir, mais lui désobéir. Le prophète alayhi salam a dit la ta'ali li makhluq fi ma'siyat al-khalaq. On ne peut pas obéir à quelqu'un dans l'obéissance yani à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Inqata' as-sawt. طيب والحين ما في صوت ما زال منقطع الصوت الان راجع طيب لانه في صوت الحين ولا ما في صوت في صوت ولا ما في صوت في صوت لما. طيب لانه اذا في تقاطع في الصوت طيب نعم اذا في تقاطع تخبروني حتى اخرج وارجع مره اخرى اذا في تقاطع فاذا شفتم تقاطع اكتب لي هكذا حتى انا اخرج وارجع مره اخرى اذا قلت بر الوالدين هو من اعظم ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى دونك اوبيغا سي بارون سي parmi les choses les plus يعني adorées les choses يعني كم الله عز وجل يعني les choses les c'est pour ça qu'on dit اولا la salat en son temps et deuxièmement et bir al-walidain et il a dit summa pour montrer le classement premièrement tu fais la salat en son temps deuxièmement tu obéis à tes parents en les choses qui ne sont pas يعني contre يعني la sharia et les choses que Allah Azza wa Jal يعني ne sont pas des péchés je leur obéis dans des choses qui ne sont pas des péchés ثالثاً ثم الجهاد في سبيل الله ثم الجهاد في سبيل الله troisièmement faire la guerre sainte والجهاد في سبيل الله كما يخفى عليكم كما يخفى على إخواني له شروط مضبوطة وله قيود وليس كل أحد يعني يرفع هذه الراية إنما لابد من إمام لأن الجهاد نوعان جهاد طلب وجهاد جهاد طلب وجهاد دفع ففي جهاد الطلب لابد من ماذا لابد من إمام يعني حاكم جوفرنور ما هو أي إنسان يروح يرفع عالم ويقول خلاص أنا إمامكم تعالوا نجاهد وشروط كثيرة جدا لابد من ماذا لابد من قدرة قدرة يعني معنوية وقدرة مالية يعني لابد ما هو مثل يعني الآن يعني أي واحد يقول تعال نذهب نجاهد أنا عندي سؤال هل جاهدت نفسك أولا هل كما يقول ابن القيم رحمة الله كيف أنت يتسنى لك يعني في معنى كيف يتسنى لك أن تذهب لتجاهد عدوك الخارجي وأنت عدوك هنا معك يعني قاهر لك في جنبك عدوك يعني نفسك وشيطانك قاهر لك متسلط عليك أنت نفسك لم تجاهد ما زلت تشرب السجائر وما زلت تنظر إلى الأفلام المحرمة وتقول أنا أذهب أجاهد لم تجاهد نفسك فأنا لك أن تجاهد العدو الخارجي دونك لو جهاد il a beaucoup de conditions c'est pas comme de nos jours n'importe qui dit voilà on va faire le djihad tu vas faire le djihad quand j'ai peur que quand viendra le vrai djihad j'ai peur que tu ne vas pas partir toi qui dis maintenant viens on va aller au djihad j'ai peur s'il vient le vrai djihad tu ne vas pas y aller et c'est Allah qui a dit ça dans le Coran il y a un verset qui dit que lorsque l'Azul a dit voilà le moment du djihad auparavant il disait Ya Allah on veut le djihad Allah Azza wa Jalla a fait descendre un verset voilà commencez le djihad auparavant il a dit non ne faites pas le djihad commencez par vous même laissez le temps je sais moi quand est-ce que je vais vous ordonner le djihad quand il l'a ordonné ils ont dit Ya Allah lawla akhartana ila jalin qarib ils ont commencé à montrer à Allah qu'il était en faux non c'est pas le moment, laisse-nous encore un peu de temps, on n'est pas prêt, etc. Subhanallah al-Azim. Vous qui disiez djihad. Ensuite, il y a autre chose. Toi, tu veux le djihad, tous on veut le djihad. Est-ce que tu as fait le djihad en ton âme? Tu as fait le djihad à ton diable? Tous on a un diable avec nous. Tu as fait le djihad à ton diable?

قال في القرآن إذا حضرتني الآية ولا يحسبن الذين كفروا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت؟ نعم. Qui peut m'expliquer ce qui s'est passé, Sean? Il y a toujours un problème de connexion? Nous sommes à couper. Voilà, toujours plus. Voilà, le chef, il a dit quoi qu'il allait revenir? Vous savez pas? Au niveau du son. Non. Je vais m'en occuper, Charles. Je vais voir. Non, il est plus là. Ah, non, rien, Charles. Non, mais je vais l'appeler pour voir s'il y a un problème de connexion, s'il arrive à se connecter ou pas. Allez, comment là? Ouais, à la fin, j'étais pas, je peux finir avant, je suis ici. طيب زي لا تشرح حياكم الله جزاكم الله خير. Thank you.

غيب طالب ما فيه صوت. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ الحمد لله. نعم جاد في الشيخ اللي عنده مشكلة ولأن هذه فرصة مش تغلق القاعة ولهذا أنا أحب نخذ الوقت هذا اللي إن شاء الله هو يرجع وأرجع بإذن الله ومن فضلكم حياكم الله لا تكلموا لأن كي الشيخ قلت له الشيخ يبون كي سنة حياكم الله سلدي كونسنتر شوف ما يخص صالح لما يخاف من أخر لأن هذه هذا إن شاء الله أنا بوجه توماس من غير سنغيس في كتابة إن شاء الله حياكم الله و لهذا ان شاء الله ما par respect et parce que aussi ça a rien à voir avec ce qui a été mis dans la room يعني هو نقول احنا درنا هذا لتعليم ان شاء الله خذ لقيت اخي فايز فهم à ceux qui sont ce que je viens de dire en arabe ان شاء الله répète-le باذن الله pour ceux qui n'ont pas compris و je répète ان شاء الله c'est pour pas les concentrer le chir bon il a eu un problème donc il, ça a tout fermé il a dû partir ou à Bin il va revenir s'il peut bon déjà là j'en profite pour faire pour dire à tout le monde que faut éviter d'écrire quand n'écrivez pas quand qu'il l'aime ou surtout écrivez quand c'est mort dans le cas là il s'appelle Aïchi qu'il aime Inch'Allah. الصوت مسموع الآن واضح هل الصوت مسموع الحمد لله الحمد لله أخونا المكي أو أخانا المكي وأخانا جنرال وجميع إخواننا أترجم كلام أخينا أبو طالب أو أخينا أبي طالب أبو طالب يقول إذا كان الشيخ أبو عبد الله ابن تيمية حفظه الله وسدد خطاه يتكلم في مواضع درسه والإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه فعلينا ألا نكتب كلاما خارج الموضوع لأنه يحرجه ولعله يزعجه عن الإجابة فجزى الله خير أبا طالب وأحسن الله إليه ولكن أبو طالب أستأذنك ما دام شيخ ابن تيمية لم يأتي بعد حتى نتكلم في موضوع بسيط قليل إن شاء الله وليس بالكثير تعرف يا أخانا أبا طالب أن الدعوة السلفية قامت على الصدق vous savez tous mes frères et sœurs que la دعوة السلفية elle a été montée fondée dans la véracité وليس على الكذب والبهتان والتلبيس دعوة سلفية كلها صدق كلها صدق لأن دعوة السلف الأمة دعوة سلف الأمة وليس على التلبيس ليس على التلبيس non pas par des tromperies et des ruses graves فهنا يا الفرير المكي في أنسيان في مكة قديم في مكة من طلاب الشيخ ربيع أخونا جنرال أيضا في كون في المغرب ومن طلاب الشيخ ربيع أيضا ومغربي وكثير من إخوة في مكة يعرفونني معرفة جيدة ويعرفون شيخنا ربيع ابن هادي المدخلي عفاه الله وشفاه ورد عليه كل سوء ووجع حفظه الله يعرفون شيخ ربيع ويدرسون عليه ويزورونه ويعرفون حال السلفيين في هذه المنطقة مكة المكرمة ils connaissent très bien Cheikh Rabi' ils connaissent leurs frères salafiyin ils connaissent bien la da'wa salafiyya fi Mekka ils connaissent ولكن للأسف الشديد le malheur madame Akhuna Ibn Timi n'est pas venue je vais expliquer le malheur c'est que certains frères messakin